plus de sel que du fun qui transpire, du soleil, plus rien, rien, rien, rien. Magie, plus d'envie, y a plus de désir que des danseurs qui tournent dans le spleen. Y a plus rien, rien, rien, rien. Y a de la paresse et de l'ennui, du plomb dans le fusil, des joies qui chialent, des drames tournés en sépia. Y a plus rien, rien. Rien, rien. Les portes s'ouvrent sur le ciel, d'un côté comme de l'autre. Y a plus de tonnerre, plus de foudre. Les nuages s'en foutent. Les arcs-en-ciel ont bradé leur couleur. Plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Même quand t'es là, y'a plus rien. Tes lèvres sont froides, y'a plus de saveur, plus de beauté. Quand je te serre, je te tiens, je te tiens, je te tiens, je te lâche. Y'a rien à finir, on manque de courage. On se ment, qu'on ne sait pas ce qui nous tue, mais on crève lentement dans le canapé, dans le lit. Les portes s'ouvrent sur le ciel, d'un côté comme de l'autre.